je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, un vaste sujet, on est encore parti pour une heure et demie et peut-être même plus, on va voir. On va essayer de ne pas faire... Pas vous ennuyer pendant 7h30. Et oui, pour ça, on a un invité qui est connu pour être un petit peu bavard, mais en même temps, comme le sujet est vaste, ça tombe bien. Nous sommes en compagnie de Jérôme Larré, connu sur Internet sous le nom de Brand, qui publie et écrit du jeu de rôle. Et puis avec lui, on a voulu se poser une question qui est un peu connexe avec la question du premier numéro, qui était, je rappelle, qu'est-ce que c'est un jeu ? Là, on va se demander pourquoi est-ce qu'on joue ? On lui a posé la question, il nous a dit ça m'inspire pas du tout. Et après, il nous a produit 14 pages de notes. Donc a priori, on pense qu'on va avoir quand même des choses à dire. Alors, on pourrait commencer, Jérôme, avec cette question, hein, toute bête. Pourquoi est-ce qu'on joue ? Ça semble avoir un lien avec le sujet du podcast, non ? Complètement. Ou plutôt, pourquoi est-ce que vous jouez ? Alors, on joue pour tout un tas de raisons. Le premier problème, en fait, c'est de savoir ce qu'on appelle jouer. Enfin, ça a l'air idiot de le dire comme ça, mais on peut distinguer deux choses, en fait. Quand on joue parce qu'on on utilise ou on pratique un jeu ou un jouet, et quand on joue parce qu'on fait quelque chose avec le but, de s'amuser avec une attitude joueuse. Elles sont deux choses totalement différentes. Par exemple, pour prendre un exemple extrême et un petit peu stupide, quand on met une balle dans un barillet, qu'on fait tourner et qu'on a une chance sur 6 de se faire éclater la cervelle, on dit qu'on joue à la roulette russe. C'est sans doute beaucoup moins amusant que de jouer même, je sais pas, aux petits chevaux, et pourtant, croyez-moi, je déteste vraiment les petits chevaux. Donc, tout va dépendre en fait de l'usage. On va trouver des raisons de jouer en fait dans l'usage qu'on fait d'un jeu, et on va trouver des raisons de jouer dans le jeu en lui-même. La preuve en est que finalement tout le monde ou presque joue sans pour autant être défini nécessairement comme un joueur, mais c'est des choses qu'on découvre petit à petit. Finalement tout le monde joue, et le joueur, c'est pas nécessairement celui qui va passer ses nuits sur World of Warcraft ou autour d'une table à tester Donjons et Dragons 5. Le joueur, c'est ma mère qui joue à Candy Crush. Je prends un exemple complètement fortuit. Maman, je sais que tu ne joues pas à Candy Crush, mais c'est cette idée là D'accord, alors effectivement, ça peut être votre mère qui joue à Candy Crush, ça peut être mon oncle qui fait des mots fléchés ou des mots croisés le week-end. Ça peut être tout et n'importe qui, de la personne qui s'occupe dans le métro à jouer un jeu sur son mobile au lieu d'écouter par exemple un podcast, ou de la personne qui va faire la même chose, qui fait ça juste pour s'occuper, ou des gens qui font ça effectivement avec... une volonté d'être même des compétiteurs, d'être des speedrunners dans le monde du jeu vidéo ou autre chose. Aujourd'hui, alors j'ai pas les statistiques, mais il semblerait que le vrai gamer entre guillemets ressemble pas du tout à ce qu'on pense qu'il est. Et a priori, le gamer, c'est plus le joueur du solitaire que le joueur de Call of Duty ou que le joueur de jeux de rôle, malheureusement. Alors justement, ça pose la question de la culture. Le jeu, en tout cas, une certaine forme de jeu devient quasiment communautaire. Il y a les rôlistes, on en parle souvent hors micro avec Manuel. Oui, exactement. Pour dire plein de choses. Et donc, bref, qu'est-ce qui caractérise la culture du gamer ? Alors par exemple, je vois... Polygon qui sortait un article récemment sur le terme gamer, qui était très intéressant. Il disait que maintenant on l'identifie peut-être à des hommes souvent machistes et qui ont tendance à embêter les gens sur internet. Or en fait historiquement c'est peut-être pas ça. Alors quelle est la culture peut-être du joueur, du gamer ? Quelles sont les différences ? Alors sincèrement Je ne sais pas très bien. Je vois quel article vous faites allusion parce que c'est un petit peu foutu le bordel sur la toile. Mais donc pour les auditeurs, plusieurs articles donc qui sont parus, qui remettaient en cause, enfin qui voulaient dire en fait que le mot gamer pour désigner un ado ou un jeune adulte mâle, si possible bedonnant, si possible mal rasé, si possible avec un t-shirt de métal, ça voulait plus forcément dire grand-chose, puisque, encore une fois, au moins pour le jeu vidéo, il semblerait qu'une majorité des joueurs soient des joueuses. Alors c'est un truc que j'entends souvent, je ne sais pas d'où sortent ces stats exactement, mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de joueuses que de joueurs. C'est du SNJV souvent, là, enfin en France en tout cas, du syndicat national du jeu vidéo, qu'on sort souvent ces statistiques-là. Juste pour la petite indication, mets bien le micro en face de ta bouche, tu mets de côté, en fait. Ok. Donc ouais, j'y connais rien en sociaux, je sais pas exactement quelle est la culture du gamer, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on associe à ces éléments-là ne représente qu'une partie, peut-être majoritaire, mais sans doute pas si majoritaire que ça, de ce qui fait un joueur aujourd'hui. Ce qui était... Enfin, le fait de passer ses nuits à faire des LAN, à faire des choses comme ça, le fait de connaître tout Tolkien par cœur et d'être capable de citer les années des trois premières éditions de Donjons et Dragons, ça fait sans doute quelqu'un de vous, enfin ça fait sans doute de vous quelqu'un qui a une culture ludique réelle, mais est-ce que ça fait de vous un gamer ou pas, j'en sais rien du tout. En tout cas, on a vraiment cette idée que le jeu se construit comme une culture, comme la culture du joueur. Alors pas de tous les joueurs, justement, il y a une gradation sur le sujet. Quand on dit que tout le monde joue, tout le monde ne se revendique pas comme un gamer. C'est quoi la gradation, l'échelle du rapport au jeu? Alors il y a pas mal de modèles qui existent là-dessus. Il y en a un qui est assez intéressant, qui s'appelle la hiérarchie de l'engagement, qui est écrite par un game designer, enfin qui fait aussi consultant, journaliste, etc., qui s'appelle Tad Kelly, je crois, et qui voit en fait cinq stades. Le premier, c'est l'amusement. Pardon, le premier, je pense que c'est même pas l'amusement, c'est de la distraction. C'est-à-dire, je joue parce que ça m'occupe. C'est à peu près ce que je vous disais sur la personne qui va jouer dans le métro, sur, j'allais dire ma tante, mais ça a été aussi mon cas, qui va m'acheter un recueil de mots fléchés pour prendre le train, pour pas m'ennuyer, sachant que là, par exemple, si on réfléchit à quel va être le produit de substitution à ce jeu, bah, a priori, ça a peu de chances d'être un autre jeu, ça a beaucoup de chances d'être un magazine, par exemple. Quelque chose qui occupe le temps. La seconde étape, c'est l'amusement. Je fais ça parce que ça me plaît. Ça a l'air bateau dit comme ça, mais c'est déjà pas si évident. Ensuite, il va y avoir un côté, ce qu'on appelle une connexion, c'est-à-dire je fais ça parce que ça me plaît, mais il y a une raison particulière pour laquelle ça me plaît, je l'ai identifié. Et par exemple, je sais pas, j'aime tout ce qui se rattache à la licence Marvel, par exemple. Le troisième point, ça va être ça me plaît, je sais pourquoi ça me plaît. Ça m'occupe, mais en plus, je vais m'investir dedans. Je vais mettre un petit peu de moi à l'intérieur. Alors, soit y a un mec qui a écrit des bouquins très intéressants là-dessus qui s'appelle Henry Jenkins sur ce qu'on appelle la culture participative et sur comment en fait il y a une appropriation. Alors, par ce qu'on appellerait maintenant les geeks, mais au départ, puisque c'est quelqu'un qui a déjà un certain nombre d'années, utilisé par les communautés de fans, et comment en fait on récupère et comment on participe en fait. Ça peut être une façon de s'investir, mais un investissement qu'on va trouver dans le sport, par exemple, qui est un investissement de performance, d'être le meilleur, d'accepter de passer du temps pour être bon, c'est aussi quelque chose qu'on trouve là-dedans. Et le dernier stade, donc je répète, distraction, amusement, connexion, investissement et donc culture, c'est de dire que le jeu en question est tellement intégré aux références, à la culture du joueur, que ça devient quelque chose comme quoi il se définit. L'exemple qu'on vous donnait tout à l'heure avec les rôlistes qui se disent comme tels. Alors, il y a bien d'autres... Les gamers, ou les gamers qu'on citait un petit peu avant. Hein. Les gamers, alors pour le coup, les gamers de jeux vidéo, le cliché, quoi, qui se définissent comme tels, voire qui des fois font jusqu'à devenir même réactionnaire tellement il se désigne comme tel. Et en gros, ça devient un sujet de discussion, ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres passions, par exemple, que ce soit le soap opéra, le fan de foot. Et encore une fois, le fan de foot, a priori, c'est un fan de jeu. Mais effectivement, d'un jeu, d'un sport, d'un type un peu particulier qui est le sport, avec, on le sait bien aussi, une aura médiatique plus importante avant de reparler de cette histoire de médias qui pose question aussi en termes de jeu. Quand on parle de culture, quand on parle d'engagement des joueurs, est-ce qu'à un moment on risque pas d'être dans l'excès, dans l'addiction, on est obligé de poser ces questions-là, on n'est pas nécessairement d'accord avec, mais en tout cas le fait est que entre être rôliste et être rôliste tous les jours et jouer tous les jours et n'avoir dans son entourage que des gens qui eux-mêmes pratiquent le jeu de rôle, il y a nécessairement une marge, même si effectivement on peut peut-être pas nécessairement parler d'addiction. Non. Mais encore. Non, plus sérieusement, le problème d'addiction des jeux, c'est quelque chose dont on entend très très souvent parler. On l'entend pour essentiellement en fait pour les jeux d'argent ou alors je vais essayer de tourner ça de façon qui ne sonne pas raciste, même si bien sûr ça ne l'est pas, quand on a des faits divers de Coréens qui meurent devant leur ordinateur après avoir passé 48 heures à jouer à je ne sais pas quel jeu en ligne. Dans les faits, il faut quand même voir de quoi on parle quand on parle d'addiction. Alors on en parle souvent pour les jeux vidéo et les jeux d'argent. Donc, hein. Mais quand on parle d'addiction au jeu, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose... Alors bon, clairement, comment dire. Tout d'abord, alors moi je suis pas médecin, mais en m'étant renseigné un peu, alors je sais plus comment on appelle ça, l'Académie de médecine, je crois en 2012, a dit, si je me trompe pas, qu'il n'y avait pas d'addiction, qu'il y avait des pratiques excessives. Ce que disait un récent dossier de Canard PC à ce sujet. Oui. D'accord. Là-dessus, sur le côté excessif, alors c'est évident qu'il y a des pratiques excessives, enfin qu'il peut y en avoir. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, il n'y a pas de ce qu'on appelle de symptômes de sevrage. C'est-à-dire que si vous êtes en manque d'alcool, de drogue, etc., d'après les documentaires qu'on peut voir à la télé, genre Breaking Bad, tout ça, votre cœur va le réclamer, vous allez déguster autrement que si vous n'avez pas fait votre dose de solitaire, quoi. L'autre aspect, alors je me demande si c'est pas lié à justement au dossier qu'il y avait sur Canard PC. Je me souviens avoir vu une émission sur Arrêt sur Image aussi, où il y avait quelqu'un de, je crois que ça s'appelle l'hôpital Marmottan à Paris, un centre spécialisé dans les addictions, le docteur Malheur ou Valeur, et qui expliquait qu'en fait l'addiction c'était quand on voulait arrêter et qu'on n'y arrivait pas tout seul. Et a priori, ce qu'il voit lui, alors dans un endroit bien précis, avec une pratique professionnelle bien précise, c'est que en fait il voit quasiment personne qui essaye d'arrêter les jeux vidéo et qui n'y arrive pas tout seul. Enfin, ou les jeux de façon générale. Et sur ces gens-là, 80-90%, selon ses propres termes, ce sont pour des jeux d'argent. Ce qu'il expliquait aussi, c'est que sur les gens où c'était hors des jeux d'argent, donc essentiellement des MMO à force de s'investir et de passer du temps à l'intérieur, c'était, d'après lui, sans doute dû surtout à une acculturation, c'est-à-dire que c'était une forme nouvelle, et qu'on ne savait pas encore comment la gérer. Et quelque part, ça pouvait rappeler, il y a peut-être, je ne sais pas si c'était 40 ans, 50 ans, je ne sais pas comment dire ça, mais aujourd'hui, passer 5 heures devant sa télé, ça paraît aberrant à personne, on va pas trop, à part pour des enfants, on ne va pas se demander si ça rend les gens débiles. Alors, on souffle qu'apparemment, on sait que c'est le cas, mais moi, j'en sais rien, je regarde la télé, et ça me va aussi. Et donc oui, il faut que ça rentre dans les mœurs et quelque part les gens vont arriver à se doser plus ou moins à partir de là. Il y aura toujours des cas extrêmes, mais on ne pourra pas réellement parler d'addiction. Après, juste pour terminer là-dessus, c'est évident qu'une pratique excessive a des effets négatifs sur certains jeux. C'est-à-dire, on peut imaginer que la personne qui passe son temps à jouer chez lui va peut-être pas sortir beaucoup, va pas faire beaucoup de sport, il va peut-être avoir un déficit en vitamine D, si on va dans le cliché ultime. Mais c'est qu'un type de jeu. La personne qui fait, un sport de combat va avoir d'autres désavantages. Une personne qui fait du foot va avoir d'autres désavantages. Mais si on veut considérer l'addiction au jeu, on doit considérer l'addiction à tous ces jeux-là. Puisque tout ça, c'est des jeux. Si, pour le dire autrement, s'il y a quelque chose de spécifique au jeu qui crée de l'addiction, on doit le retrouver un peu partout. Et quand on regarde les éléments addictogènes, on n'a pas du tout ça, en fait. On a a priori des choses qui sont liées à la volonté d'être le meilleur, de s'investir, ce qu'on disait tout à l'heure, en temps, en effort, en compétences, en pratique. Mais c'est des choses qu'on valorise par ailleurs. Moi, j'ai jamais vu une maman s'inquiéter parce que son fils voulait devenir bon au foot, quoi. À part peut-être la mienne. Non, effectivement, pour résumer donc et pour conclure peut-être cette partie sur l'addiction, ce que disait le dossier de Canard PC, c'était qu'en fait le jeu produisait tout simplement du plaisir. Et or nous aimons tous prendre plaisir à quelque chose. Que du coup, c'était à peu près normal que des fois, on ait une sorte de penchant pour cette pratique. Mais je veux revenir sur un autre point. Juste, excusez-moi, parce que j'ai juste une réserve là-dessus. Même si, effectivement, je suis plus d'accord sur le fond, hein, y a pas de problème. C'est qu'il y a quand même des pratiques de game design qui visent à faire ce qu'on appelle la rétention. Justement, j'allais y venir. Ah, pardon. Justement, une des autres motivations du jeu, on l'a un peu sous-entendu tout à l'heure, c'est la notion de spectacle. Selon, je crois que c'est Adorno, repris par Triclo dans son livre, a une notion, presque une volonté d'humiliation. Quand on voit quelqu'un en maillon faible, généralement, on souhaite l'échec de la personne. Ah, vous êtes comme ça, vous ? Oui, je suis très sadique. D'accord. Mais non, mais en fait, il y avait la dimension en fait, que le jeu n'est pas forcément une partie de plaisir. Alors, sur les jeux télévisés, c'est à peu près effectivement une évidence. Et ça peut être le cas sur un nombre d'autres jeux. Pour le jeu télévisé d'abord, il faut bien se rendre compte que quand on parle d'un jeu, on parle du plaisir qu'on retient, intrinsèque au jeu, de l'objectif du jeu, du but, comment on gagne. Au foot, c'est marquer plus de points que l'adversaire. Sur la plupart des jeux, c'est avoir plus de points ou être le premier à atteindre tel ou tel objectif. Et il y a un objectif qui se rajoute à ça, qui est pourquoi on joue. C'est ce qu'on appelle l'usage. Je vais prendre un exemple super glauque, mais en général, il est assez clair. Vous imaginez une jolie peluche, un petit lapin rose. C'est tout mignon tout ça, et on voit c'est bien pourquoi un gamin veut jouer avec. Vous imaginez chez un docteur ou dans un commissariat, il y a un adulte qui montre un enfant qui demande où c'est que le monsieur t'a touché. Et là, de suite, on comprend bien que c'est pas pour s'amuser. Cette notion d'usage, en fait, va souvent changer la raison pour laquelle. Enfin, va souvent être liée à ce pourquoi on joue, mais c'est une couche qui s'ajoute à celle du but du jeu et qui peut être complémentaire, qui peut s'opposer, etc. Sur le cas des jeux télévisés, très souvent, elles s'opposent. C'est-à-dire que les personnes qui vont organiser le jeu, c'est des sociétés de prod, j'imagine, j'y connais rien, vont faire le jeu pour plein de raisons, mais a priori pas pour que le spectateur, pour que le participant s'amuse. Elles vont le faire pour placer des produits, pour vendre à une chaîne, pour que les spectateurs prennent du plaisir, éventuellement en humiliant les participants. Effectivement, le maillon faible est assez clair là-dessus, mais pas spécialement pour que les participants s'amusent. Et les participants eux-mêmes vont avoir plusieurs intérêts à participer, mais très souvent ça va être de passer la télé, de voir Nagui en vrai, de toucher une somme d'argent assez importante, mais le fait de prendre du plaisir à découvrir si c'est Poulidor ou Antil qui a gagné, a priori ils s'en foutent. Oui, je sais, c'est assez surprenant, mais... Donc on est effectivement dans quelque chose où le jeu est plus un prétexte à une pratique sociale ou à un gain social qu'autre chose, finalement quelque chose qu'on retrouve dans certains jeux qui sont faits pour qu'on perde. Il semblerait qu'historiquement, parce qu'on parlait de gagner et du plaisir qu'on pouvait retirer au jeu, il semblerait qu'il y a certains jeux où on tire du plaisir malgré le fait qu'on ne puisse pas gagner, que ce ne soit pas un phénomène récent. Il me semble que dès les premiers jeux, dès les premières arcades, on est dans ces problématiques-là. Alors effectivement, sur la plupart des premiers jeux d'arcade, on est face à des jeux qui n'ont pas de conditions de victoire, enfin qui n'ont pas de ce qu'on appelle en anglais de win state, c'est-à-dire que la machine ne... Il n'y a rien de programmé pour le fait où vous gagnez. Un jeu comme Pong, vous parliez de Triclos tout à l'heure, je crois qu'il en parle assez bien dans son bouquin, c'est Philosophie des jeux vidéo, où il explique que le jeu en fait, va aller de plus en plus vite. Et que globalement, la seule chose qu'on peut faire, c'est on ne joue pas pour gagner, on joue pour essayer de perdre le plus tard possible. Donc moi je suis essentiellement rôliste, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les premiers jeux de rôle aussi énormément. C'est-à-dire que alors, je vais faire une digression sur ce qu'est une partie, en fait. Très souvent, dans un jeu, on va confondre ce qu'est une partie et une session ou une séance de jeu. Globalement, ce qu'est une partie de jeu, c'est le moment où on remet l'état du jeu à zéro, comme il était au départ. Il y a quelques cas très particuliers, genre Risk Legacy, des choses comme ça, qui jouent avec ce concept, mais... typiquement, pour des rôlistes, on appelle très souvent partie... Quand on s'assoit, le temps où on joue et jusqu'à ce qu'on reprenne nos affaires et qu'on reparte chez nous, mais ça c'est une séance de jeu. Je vais vous saisir sur ce sujet-là parce que ça nous permet de revenir sur un élément qu'on a un peu dépassé rapidement tout à l'heure, qui était justement autour de ces phénomènes de pratiques excessives, des game design qui sont faits pour qu'on continue à jouer indéfiniment. Et de ce point de vue-là, je crois que la problématique de la durée de partie et de l'infinité de la partie, c'est quelque chose qui se pose typiquement en jeu vidéo, par exemple, dans des hack and slash ou dans des univers à monde persistant où la partie s'arrête pas vraiment, il y a l'instance, mais la partie continue à avancer continuellement. Et dans une certaine mesure, certains jeux à progression quasi continue, type Candy Crush, à moins d'avoir fini, effectivement, ça fait deux fois que je cite, mais après j'en citerai d'autres, à moins d'avoir fini le jeu, et encore, on parle d'un jeu qui censément a une fin, contrairement à, je sais pas moi, un Farmland par exemple. J'en sais strictement rien parce que je ne suis pas assez penché sur le sujet. Non, Candy Crush en fait est apparemment basé sur un système aléatoire de génération de niveaux, donc ça fait qu'on peut jamais finir. On peut juste progresser, mais on peut jamais finir. C'est ce que j'avais entendu, mais j'étais pas bien sûr, je me suis découragé avant. Donc là, pour le coup, on n'a pas réellement de fin de partie dans ces jeux-là. Alors, un jeu, effectivement, moi, je pense pas mal à Farmville quand on parle de rétention. Mais il y a effectivement sur ces jeux-là, c'est pas prévu pour qu'il y ait, c'est pas du tout prévu pour qu'on fasse plusieurs parties. C'est prévu pour qu'on en fasse une seule. Et quand on parlait d'engagement tout à l'heure, il faut savoir que l'engagement, ça peut être positif ou négatif. L'engagement positif, c'est j'ai envie d'aller dans le jeu, d'y passer du temps, c'est agréable. Pour reprendre, enfin, pas reciter les étapes de tout à l'heure. Et la rétention, c'est l'engagement négatif. C'est-à-dire, le jeu ne veut pas me lâcher. Le jeu m'embête. Le jeu m'envoie des notifications pour que j'aille y jouer. Le jeu m'appelle chez moi. Et le jeu commence un peu à prendre ses aises. Et cela va par des mécanismes... Alors, c'est des choses très connues. Hein, tout ce qui est les boîtes de Skinner, les choses comme ça. Enfin, je sais pas si boîte de Skinner, ça dit en français. Enfin, Skinner Box en anglais. En fait, tout ce qui est... Enfin, chez nous, on pourrait dire tout ce qui est pavlovien, en fait. Mmh. Où on essaye vraiment de jouer sur la programmation, je sais pas comment dire, cérébrale, en fait, des joueurs. Mmh. Pour les amener à jouer sans cesse, à revenir, etc. Il y a clairement des questions qui se posent d'un point de vue éthique sur jusqu'où ces pratiques sont tolérables ou pas. Et moi j'en sais rien, j'ai jamais vu pour l'instant quelqu'un, après je fais de l'artisanat moi, je suis dans le jeu de rôle, hein, mais j'ai jamais vu quelqu'un venir me voir et dire je vais faire ça parce que les mecs ils pourront plus jamais décrocher. Et puis finalement, est-ce qu'en jeu de rôle, cette notion de séance et le fait que les gens, qu'il faut la disponibilité de plusieurs joueurs simultanément, et l'idée qui continue à exister dans la tête des joueurs, peut-être maintenant c'est plus valable qu'à une époque, mais qu'une séance c'est égal à une partie de jeu, c'est aussi un mécanisme de défense qui protège de ces, de justement de l'excès, qui permet de pas de remettre à zéro, puisqu'on sait que c'est ce qui vient, c'est qu'effectivement un personnage continue à progresser, il ne revient pas à zéro au début de chaque partie, mais le fait est que ça permet aux joueurs d'espacer plus facilement peut-être ces éléments-là. Historiquement, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, mais qui, je pense, n'est pas du tout volontaire. D'un point de vue game design, c'est les points d'expérience et les niveaux. On a pas mal sauté du coq à l'âne, mais quand on parlait tout à l'heure des machines d'arcade, les systèmes d'expérience, c'est un high score. Les premières versions de Dungeons & Dragons, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner pourquoi ? Enfin, on peut aller au bout d'un module, ce qui est à peu près l'équivalent d'aller au bout d'un logiciel, mais à condition de les acheter séparément. Il n'y a rien dans le jeu qui dit quand c'est qu'on a gagné ou pas. Il y a des jeux qui vont ramener ça plus tard, mais justement pour faire toujours en parallèle avec l'arcade, dans les... alors, j'ai vu ça dans une émission, donc, c'est Florent Gorge, je crois, qui s'appelle Les Oubliés de la Playhistoire, où il parle d'une borne d'arcade de SNK qui doit être 81, qui s'appelle Fantasy, et qui est, je vous encourage à aller voir sur le site si jamais vous voulez voir ça de façon plus précise, mais c'est en gros la première borne d'arcade où apparaissent les continues, qui à l'époque s'appelle Extend Play, je crois. Et ces continues en fait apparaissent parce que le jeu, au lieu d'être composé d'un tableau unique ou de quelques tableaux, avec comme seul facteur, comme seul repère de la progression, le score, on a en fait plusieurs tableaux différents, avec des gameplays différents, avec une progression de l'histoire, et une apparition même de l'histoire. Et quelque part, là où remettre un crédit qui vous permet de continuer sans revenir à zéro en termes de score, ça veut dire complètement détruire l'intérêt du jeu. Sur ce jeu-là, ça a du sens, parce qu'on a beau revenir à zéro, on ne revient pas au premier tableau. C'est-à-dire, il y en a un où on est en hélicoptère contre des... alors je sais plus quoi, ce qui nous tire dessus. Il y en a un autre où on est en train de se battre contre des pirates, je crois. Et là, en fait, le fait d'avoir un continu vous permet de... ben, comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de rester sur le tableau qui est intéressant. Donc, c'est à partir de là où on commence à voir, avec cette apparition de l'histoire, en fait, où elle commence à avoir un but en soi, où on commence à avoir des continues dans le jeu vidéo, et un objectif qui se déplace du high score et qui se déplace des... excuse-moi, je cherche mes mots. Du fait de continuer sans cesse, c'est un objectif pour le jeu de rôle. Donc on a voilà comme ça des choses qui peuvent ressembler à ces éléments pavloviens, mais qui, à mon avis, sont pas du tout là pour ça. Enfin, c'est pas l'intention. Et après, je crois que effectivement, la chose qui protège le plus de ce genre de comportement dans le jeu de rôle, c'est tout simplement la vie qu'on a autour, quoi. C'est que au bout d'un moment, faut quand même gagner sa vie, quoi. C'est intéressant, ça me rappelle deux choses, cette logique de perdre. D'une part, il y a les roguelikes, en fait, avec la génération aléatoire de niveau. Et à chaque fois qu'on meurt, on redécouvre, mais en même temps, nous-mêmes, on a acquis des compétences qui nous permettent d'évoluer encore plus loin dans le jeu. Et le deuxième point, c'est un jeu que j'ai joué récemment et que j'ai adoré, qui s'appelle Super Time Force, en fait, et qui est disponible sur Xbox, je sais plus quoi, et PC. En fait, c'est un jeu de plateforme shoot assez classique, sauf que quand on meurt, on peut revenir en arrière et on a un double du passé qui agit jusqu'à sa mort, et nous on continue et on peut revenir comme ça jusqu'à se créer une armée de soi-même du passé et interagir et évoluer. C'est une remise en cause peut-être de la mort. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que l'échec revient à la mode? Parce qu'on voit l'apparition des roguelikes qui est assez impressionnante. Alors, Super Time Force, je vois de quel jeu il s'agit, mais j'y ai jamais joué. Par contre, des jeux, enfin en termes de roguelike, des jeux comme Rogue Legacy, ça me parle beaucoup plus. Et je suis plus que fan inconditionnel de jeux comme, enfin, la série de Dark Souls, qui joue pas mal là-dessus aussi. Pour la difficulté, tout d'abord, c'est c'est une composante essentielle du plaisir de jeu. Alors, on a, selon les jeux, on a souvent l'habitude de... Ben, en fait, c'est un discours qu'on n'aime pas trop forcément tenir. Dans le jeu vidéo, avec la culture gamer, c'est un peu à part, parce que pour se revendiquer un vrai gamer, il faut jouer à des jeux difficiles, il y a un côté skill, etc. Mais dans le jeu de rôle, par exemple, c'est pas du tout le cas, et dans plein de jeux de société ou de jeux de plateau, c'est pas du tout le cas non plus. On cherche des plaisirs autres que la difficulté. Je vais prendre l'exemple d'un modèle. C'est un modèle qui est développé par une société qui s'appelle XOD Design et qui est essentiellement par sa directrice qui s'appelle Nicole Lazzaro, qui identifie en fait quatre clés, c'est comme ça qu'elle les appelle, au fun, donc au fait de s'amuser. Le premier, c'est le hard fun, donc c'est la difficulté, c'est le plaisir qu'on a à battre l'adversaire, c'est Kaiwa dirait la gonne, etc. Le second, c'est le easy fun. C'est le plaisir qu'on a à explorer, c'est le plaisir qu'on a à apprendre des choses. On pourrait parler du lore, ce genre de choses. C'est le plaisir qu'on a à découvrir tout ce qu'il y a à découvrir dans le jeu. C'est le plaisir aussi qu'on a à discuter avec un PNJ quand on fait du jeu de rôle. S'il n'est pas trop embêtant. S'il est embêtant, ça peut devenir du hard fun. Le troisième point, c'est les interactions sociales. C'est ce qu'on appelle le people fun. Le people fun, c'est ce qui va faire, par exemple, qu'un jeu comme, je sais pas, Wii Sport, qui a l'air a priori nul d'un point de vue game design, bah, il est vachement sympa parce que vous pouvez y jouer avec votre grand-père ou votre petite sœur, ou votre grand-mère et votre petit frère. Ou votre petit frère et votre petite sœur, on va pas faire toute la famille. Le dernier, c'est le people fun, en fait, c'est ce qui va... c'est pas le people fun, c'est le serious fun. C'est ce qui va, globalement, vous changer à vous. C'est ce qui va avoir un réel impact sur votre personnalité. Et donc, la difficulté, c'est un élément réel de plaisir. Selon les types de jeux, selon comment elle est faite. Par contre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un peu de rétro gaming en jeu vidéo récemment, si vous avez eu l'occasion de faire, de refaire le premier Zelda. Ça doit être horrible. Alors, franchement, il y a le côté Madeleine de Proust. Hein, je ne peux pas dire que ce n'est pas joué, mais il faut vous rendre compte que vous avez un certain nombre de tableaux et que l'objet dont vous avez absolument besoin, le bracelet force par exemple, se trouve derrière une statue qui est sur un des tableaux, sachant qu'il y a, une demi-douzaine de tableaux, où il y a une dizaine de statues comme ça. Et il faut la trouver. Et si vous la trouvez pas, vous avancez pas. Vous êtes bloqué. Alors, à l'époque, on trichait déjà, on trichait pas sur Internet, mais on trichait avec les solutions, on se passait, il y avait toute une discussion dans les cours de récré autour du jeu, et sans ça, c'était bien difficile de finir. Ou alors, il fallait tout essayer, mais c'était... À mon avis, on ne le faisait pas. Mais donc, il y a cette question de difficulté qui est très différente de celle qui se pose aujourd'hui. Par exemple, ce genre de truc aujourd'hui, ça apparaîtrait comme du mauvais game design. Et je peux vous assurer que ça m'en coûte de dire qu'un truc dans Zelda est du mauvais game design. Quoi. Donc, il y a cette évolution de la difficulté. Et histoire de ne pas oublier la question... Sur les roguelikes, sur les Dark Souls comme ça, on a aussi une mise en scène de la difficulté. Puisque par exemple, sur Dark Souls, je crois que c'était sur le 1, l'édition PC s'appelait la Prépare-toi à mourir édition. Le jeu se revendiquait comme le jeu le plus difficile, etc. Et ils en faisaient des caisses. Et effectivement, les joueurs mouraient, sauf qu'il y a une énorme différence dans la mort dans un roguelike. Les personnages des joueurs. Je sais plus très bien. Je sais plus très bien. Les personnages des joueurs mouraient. Mais c'est bien une remarque de rôliste. Hein. Merci. Les personnages des joueurs mouraient. Leur avatar. Comme ça, ça fait un partout. Voilà. Et globalement, la mort dans un jeu vidéo, on est habitué à ce que ça veut dire. La partie est finie. Où tu viens de perdre un tiers de ton continu ou un tiers de ta pièce de 5 francs. On a encore à parler francs. En France, c'est bien ce que je me dis. C'est pas grave, on est vieux. Oui, sauf Adrien. Et elle est où ta maman? Elle joue à Candy Crush, d'accord. Donc oui, la mort en fait dans Dark Souls et dans Rogue Legacy par exemple, elle est mise en scène, c'est-à-dire que puisqu'on ne perd pas, on peut même en faire une stratégie. C'est-à-dire, globalement, Dark Souls, c'est un jeu où vous avez des continus infinis. Et vous n'avez même pas besoin de rentrer le Konami Code pour ça. C'est offert. Il y a des choses qui sont effectivement difficiles. Il y a des adversaires où effectivement il faut avoir suffisamment monté pour avoir une chance de les battre, où il faut bien analyser leurs patterns, et encore beaucoup moins que sur certains que sur un Anmaku, donc que sur un jeu tir où l'écran est rempli de balles. Finalement, le fait de perdre une vie fait partie de la stratégie de progression et du joueur, et dans certains jeux, je pense à Rogue Legacy, du personnage lui-même d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est un moyen, là où d'habitude, très souvent dans le jeu vidéo, la punition pour perdre une vie, c'est de perdre du temps. Dans ces jeux-là, il se trouve que c'est souvent un moyen de gagner du temps, de mourir. Et alors, par contre, le défaut, c'est, on a peut-être dû mettre un spoiler avant, c'est qu'une fois qu'on prend un jeu comme ça, ça tue la moitié du plaisir, quoi, hein. Mais effectivement, quand on regarde clairement comment fonctionnent ces jeux, on s'aperçoit que cette difficulté, elle est essentiellement mise en scène. Finalement, on n'est pas très éloigné, je vais faire un parallèle de vieux rôlistes pour le coup, on n'est pas très très éloigné des principes d'archétypes dans Rêve de Dragon, si je dis pas de bêtises. On parle de quoi déjà? Alors on est en jeu de rôle, dans un jeu de rôle français édité il y a déjà quelques années, Rêve de Dragon, les personnages peuvent se réincarner et ils ont donc ce qu'on appelle un archétype auquel ils peuvent revenir et du coup ils perdent une partie de leur progression temporaire, mais éventuellement ils acquièrent une progression sur le long terme qui va revenir sur de suivantes réincarnations. Donc on est vraiment dans une idée très très proche finalement du roguelike, on aurait presque pu imaginer si le roguelike avait existé à l'époque, jouer Rêve de Dragon comme on fait du Rogue Legacy de nos jours. Alors, j'ai un peu du mal à dire du bien de Rêve de Dragon, et j'ai un peu du mal à dire du mal de Rêve de Dragon. Rêve de Dragon avait ceci d'absolument génial, surtout à l'époque, qu'il intégrait des contraintes qui étaient liées à ce qui se passait concrètement entre les joueurs, donc le fait de mourir, etc., comme vous l'évoquiez, directement dans le jeu, et effectivement l'archétype de ce point de vue là était une super idée. Par contre, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles il intégrait l'archétype, c'était aussi parce qu'il fallait 4 heures à une calculette pour créer un perso, quoi. D'accord, j'entends tout à fait. Là où sur Rogue Legacy, il vous faut à peu près une demi-seconde. Certes. Alors, on vient de parler assez longuement donc, de jeux qui sont soit conçus pour qu'on ne puisse pas gagner, soit conçus pour qu'on ait des petits échecs temporaires. On s'est pas mal attardé sur des cas de jeux vidéo, puisque c'est vrai que c'est là où c'est le plus criant. Mais finalement, dans des jeux peut-être moins évidents, ou en tout cas dont des gamers ne parlent que rarement, alors même qu'ils l'ont probablement pratiqué à un moment ou à un autre de leur vie, on peut retrouver des problématiques de force de l'échec. Je vois Jérôme sourire, parce que je pense qu'il sait où je veux revenir. On parle de jeux, par exemple, que vous avez cités dans les notes préparatoires et qui ça m'a semblé symptomatique et intéressant parce qu'il ne me serait probablement pas venu à l'idée de le citer et pourtant on peut en tirer des tas de réflexions. C'est Action ou Vérité. Alors, Action ou Vérité, c'est un jeu fait pour perdre. Alors, c'est un jeu fait pour plein de choses, mais pas y jouer. En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire des usages. Pourquoi vous jouez Action ou Vérité? C'est un doute pour rouler une galoche à la personne qui est pas trop loin de vous, mais absolument pas pour jouer selon les règles de ce jeu-là, parce que c'est un jeu où on ne peut pas gagner. C'est un jeu où il n'y a pas de conditions qui permettent de gagner. On passe juste, on fait des tours, et quand c'est à son tour, on demande soit si on veut qu'on nous demande une information qui est particulièrement humiliante, soit si on veut qu'on fasse quelque chose qui est particulièrement humiliant. Après, on n'est pas obligé de jouer avec ses ennemis, hein, mais enfin, les gamins ne sont pas forcément tendres. Sachant qu'il reste un joker, il y a une morale quand même, on peut aussi passer pour un dégonflé et faire ni l'un ni l'autre. Mais globalement, c'est un jeu qui est... c'est un jeu qui, d'un point de vue ludique, n'a absolument aucun intérêt. Par contre, on y joue pour d'autres raisons. Et c'est là où on rejoint ces idées d'usage. Et effectivement, c'est un jeu qui est très intéressant parce que c'est... Dans tout ce qu'on va trouver comme discussion sur la conception de jeu, sur la façon dont on joue, on va avoir énormément de choses sur le jeu vidéo parce que c'est là où il y a le pognon, tout simplement. Et on va avoir nos expériences de plateauiste, de rôliste, etc. Mais ces jeux-là aussi existent. Et un autre élément qui est super intéressant quand vous êtes un game designer, c'est par exemple que tous ces jeux-là sont des jeux qui n'ont pas de règles écrites. Et quand on réfléchit un peu, qu'on prend du recul sur la portée, enfin sur l'histoire, la majorité des jeux, enfin je pense que c'est la majorité des jeux, n'ont pas de règles écrites. Ou sont joués par des gens qui n'ont jamais lu les règles. Je sais pas si vous avez un jour lu un règlement du foot. À mon avis, vous êtes peu nombreux, à part les gens qui ont fait leur métier adulte, quoi. Et je suis pas sûr que tous les joueurs de foot aient forcément lu le règlement des matchs, quoi. Enfin, des institutions internationales, c'est comme ça qu'on dit. Alors, c'est intéressant, puisqu'on s'est attardé donc peut-être aux conditions pour gagner, et là je vais m'adresser au game designer. Du coup, comment on rédige les conditions pour perdre ? Bon courage. Non, parce qu'il nous semble que dans... Alors, après, il faudrait définir ce que c'est gagner et perdre, et on pourrait y passer un podcast de plus, on le fera peut-être un jour. Mais vous avez travaillé sur un jeu notamment qui s'appelle Tenga, où une des réflexions, ça a été comment est-ce que je fais gagner le joueur, mais que cette victoire, dans un jeu d'un autre format, serait conçue comme une perte, puisque bien souvent, c'est le décès du personnage. Alors, un des objectifs de Tenga, en fait, alors... c'est super difficile pour moi de parler Tenga parce qu'il y a plein de choses qui se passent pendant plein d'années et que ce mélange en fait fait un jeu comme tout le monde. Mais Tenga, c'est au départ c'est l'envie de jouer d'une façon un peu différente à un vieux jeu de rôle qui s'appelait Bushido. Quand je dis vieux jeu de rôle, je crois que la première version elle date de 1978, donc c'est vraiment ça remonte, et qui est un jeu de rôle sur le... Adrien Auglisse, qu'il n'était pas né. Et moi non plus, en fait. Alors, j'ai pas forcément joué à la première version. C'est, ça marche, ça, comme excuse ? Ouais, ça marche bien. Ouais, je me suis entraîné. Hein. Donc oui, ce jeu de rôle, c'est un jeu... nous, on appelait ça Medjap, c'est-à-dire médiéval japonisant, où on jouait des samouraïs, pour faire simple. On y a beaucoup beaucoup joué et puis on a un peu atteint les limites du jeu parce que à côté justement on parlait de culture et comment le jeu de rôle s'approprie la culture, voire un peu la détruit, se l'accapare. Enfin la détruit. En tout cas, on pisse un peu partout pour marquer notre territoire et on s'amuse beaucoup avec. Alors pour comprendre ce que je viens de dire, imaginez des joueurs en train de jouer au Seigneur des Anneaux. Et ils vont pas forcément faire du fanservice avec Gandalf et Aragorn pendant 30 ans. Il y a un moment, ils vont leur mettre leur misère et leur montrer c'est qui les patrons, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc oui, voilà, on jouait à des jeux de samouraï, et en fait, on avait un problème, c'est qu'à force de voir des choses comme Shogun qui arrivaient, puisque c'était un jeu... Shogun, c'est une série qui a joué énormément sur le goût des Américains pour les choses japonaises, mais aussi en Europe, en fait. Et le jeu avait été fait avant la diffusion de cette série, l'arrivée des films de Kurosawa qui ont été produits je crois que c'était Spielberg et Lucas, enfin par des producteurs occidentaux qui ont été faits pour un public, pour l'international, des choses comme ça. Donc on a découvert un peu tout ça en même temps, puis cette invention diabolique appelée le DVD, voire l'import de DVD en passant par des pays improbables. Et donc on s'est retrouvé avec plein de films qui nous intéressaient, qui nous plaisaient beaucoup, plein de romans, de séries, etc. Et en fait, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on jouait. C'est-à-dire qu'on voyait des gens... on voyait un film comme Harakiri ou Seppuku, je ne sais pas si vous l'avez vu. Harakiri ou Seppuku, alors sans spoiler, c'est sans doute un des plus beaux films japonais, voire un des plus beaux films du monde, et c'est l'histoire d'un mec qui va dans une maison de samouraï, plus ou moins se faire massacrer et taper du monde au passage, parce qu'il est en rébellion contre l'ordre établi et parce que son fils a été obligé de commettre un suicide rituel pour de très mauvaises raisons. Ce genre de film proposait des choses absolument incroyables à notre point de vue, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le modèle de la fantasy classique, qui est celui dans lequel baigne le jeu de rôle, dans la première version d'ODD, sur l'introduction, je crois que la première phrase de l'introduction d'ODD, donc la toute première version de Donjons & Dragons, c'est « Ce jeu, c'est de la fantaisie. » Donc a priori, il prend pas les gens en traître. Donc on est habitué à une progression du héros à la Campbell, etc. Là, on a des héros qui sont vieux, qui se posent pas tellement la question de devenir des hommes, mais qui se posent plus la question de savoir comment le rester, en fait. Comment continuer à se considérer comme tel. Et on n'est pas du tout sur la même trajectoire, et il y a une idée un peu de perdant magnifique. Alors, rien à voir avec la Beat Generation, mais de ce côté, les histoires tristes sont les plus belles. Et faire ça en jeu, c'est un peu compliqué, parce qu'en jeu, on a souvent envie de gagner, et c'est un peu compliqué d'avoir des joueurs qui ont envie de gagner, et ils ont envie en même temps que leur perso perde. Il y a un auteur de jeux vidéo qui s'appelle... alors, Jesper Juul, J-U-U-L, Jesper Juul, je sais pas trop, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle L'art de l'échec. Et où il explique en fait que dans un jeu, alors lui s'intéresse aux jeux vidéo, mais dans un jeu vidéo, on déteste perdre, mais on déteste encore plus ne pas avoir la possibilité de perdre. Et dans... alors il y a des contre-exemples là, bien sûr, mais... Et il rapproche ça de la tragédie, où en fait, on veut pas réellement qu'il arrive à quelque chose de grave au héros, parce qu'on a de la compassion pour lui, mais en même temps, s'il lui arrive pas quelque chose de grave, on a l'impression de s'être fait avoir. Et ça rejoint pas mal de choses qui existaient aussi donc, au niveau du jeu vidéo au début des années 2000, avec... qui se retrouvait dans un slogan en fait qui était de dire personne ne veut jouer Anna Karenine en jeu vidéo. Ce que je peux comprendre. Le principe de Tanga, c'est de se dire ok, comment je fais pour que toutes ces notions de tragédie en fait soient intéressantes à jouer. Et la solution, bah, globalement, c'était de demander aux joueurs, c'était déjà d'expliquer aux joueurs que ça pouvait se passer comme ça, et demander aux joueurs un truc qui se faisait jamais a priori. C'est qu'est-ce que son personnage, qu'est-ce que lui voulait que son personnage devienne à la fin de la partie, donc la fin de la campagne. Et demander qu'est-ce que le personnage voulait lui devenir à la fin de la campagne. Et le fait d'avoir cet objectif faisait que toutes les luttes intermédiaires, tous les conflits intermédiaires qu'il pouvait y avoir, pouvaient être perdus ou gagnés. Ça n'était finalement que des chemins différents vers cet objectif final. Et on avait... On peut se demander si on peut être surpris dans ce genre de jeu, si c'est intéressant. Il y est resté plein de surprises et plein de tensions qui pouvaient être mises sur le comment, en fait, et pas sur la destination. Voilà, la prochaine fois, j'essaie de répondre en moins de 3h30. Non, mais c'est intéressant. Ça me fait penser à une vidéo qui était sortie sur Nesblog dans une émission qui a été très éphémère, qui s'appelait Phi, et qui posait la question sur Kirby. Comment, pardon ? Elle s'appelait Phi. D'accord, je ne connais pas. Et bah, Kirby, effectivement, c'est... Et en fait, il faisait le constat que Kirby était très cruel puisqu'on ne pouvait pas perdre, on ne pouvait pas mourir. Et qu'en fait, Grand Theft Auto, puisque quand on commençait à attaquer des ennemis, etc., on était poursuivi par la police et on était donc puni d'une manière symbolique, était presque... Donc Grand Theft Auto était plus juste que Kirby où on peut massacrer des gens et de toute façon, on ne peut pas mourir. Alors, je n'ai pas assez pratiqué Kirby. J'y ai joué chez un ami commun, je crois, qui vous a fait jouer à Rave de Dragon, si j'ai bien suivi. D'accord. Celui-là. Après, j'ai eu l'impression que c'était un jeu qui était fait pour les enfants et où l'enjeu n'était pas de savoir si on gagnait ou on perdait au sens classique. Peut-être que l'enjeu, c'était plus une... Alors, je connais pas le jeu, hein, je dis ça, c'est peut-être des bêtises. Mais peut-être que l'enjeu, c'était plus des questions d'apprentissage, de coordination, des questions d'endurance sur la longueur du jeu. Les compétences en fait, qui étaient mises en avant par le jeu, et qui étaient développées par le jeu, étaient peut-être totalement différentes de la capacité ou pas qu'on peut trouver, je sais pas, dans un Mario, par exemple. Alors, je vais avancer sur ce point-là parce que ça amène à des choses qui sont intéressantes. Juste une dernière observation, finalement, ce que vous décriviez concernant Tenga, c'est on est dans les fondamentaux de la tragédie, à savoir qu'on sait que ça va mal se finir. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on va arriver à cette fin tragique. Avec un bémol tout de même, c'est-à-dire que ce sont les joueurs qui le choisissent, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien choisir d'avoir un personnage donc unidimensionnel qui veut quelque chose, le joueur veut que ça se passe aussi, et globalement on n'a pas forcément envie que ça se passe mal. D'accord, on n'est pas nécessairement dans du tragique, c'est plutôt orienté pour, mais on n'est pas nécessairement dans du tragique. Alors concrètement, moi à chaque fois j'ai fait des démos, des parties, etc. c'est bien la mer à boire s'il y avait 10% des joueurs qui choisissaient que ça se passe, qui choisissent d'aligner en fait leur ce qu'on appelle l'ambition, donc ce que veut le personnage, et le destin, ce que veut le karma, ce que veut le joueur. Sachant que ce qui est donné là, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'après, charge au maître de jeu de venir foutre le bordel, tout simplement. Alors, ça va nous permettre de glisser sur la troisième grande partie de ce podcast, où on va parler plutôt de confrontation au jeu, puisque finalement, ça reste un moteur d'envie de jouer. On parlait de la capacité à pouvoir échouer ou pas, d'ailleurs, dans Kirby, et d'éventuellement des compétences que ça met en jeu. On parlait de l'échec, ou en tout cas de la construction en tragédie, et du fait qu'un joueur choisisse qu'il y a un hiatus entre ce qu'il veut et ce que son personnage veut, en tout cas entre ce que le personnage qu'il incarne veut et ce qui va lui arriver. On est dans l'idée de se confronter à des règles dans les deux cas et de pouvoir exploiter ça pour, si ce n'est les détourner, en tout cas pousser au mieux la compétence. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qu'on voit mieux en jeu vidéo ou en jeu de société qu'en jeu de rôle, cette idée qu'on va avoir une règle simple, définie, et finalement le plaisir du jeu, ce qui nous donne envie de jouer, c'est d'apprendre à mieux contrôler cette règle, à mieux la pousser dans ses limites pour, dans un cas de jeu de confrontation, réussir à justement être meilleur que les autres joueurs à l'usage de cette règle. Alors, meilleur que les autres joueurs, c'est une façon de jouer. Pour pas dire un usage, ça peut être autre chose, mais vraiment l'idée centrale, généralement, c'est qu'on a des parties rigides dans le jeu, des contraintes, et qu'on a la partie dont on joue, c'est-à-dire la liberté et les actions dont jouissent le joueur lorsqu'il joue. Pour le dire concrètement, je prends un exemple tiré du jeu de rôle. Vous avez une règle qui est votre personnage meurt à 0 point de vie. Le gameplay, en fait, ça va être de se dire qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur, qu'est-ce qu'il fait, quelles émotions il ressent, quelles décisions il prend quand son personnage arrive à 0 point de vie ou à proximité. On va avoir des cas où le joueur va ressentir quelque chose de très fort, comme une possibilité d'échec, quelqu'un qui prendrait le jeu trop à cœur, etc. Quelqu'un qui se dit, c'est le moment d'un dernier baroud héroïque, c'est le moment d'en mettre plein la vue, je suis un héros après tout, mon personnage est un héros après tout. Ça peut être une façon de le jouer. Une autre façon de le jouer, ça peut être de dire, surtout je prends aucun risque, ce qui compte, c'est ma survie. Un autre exemple, on en parlait sur une table ronde ce matin, mais c'était de se dire, puisque je suis poussé dans mes derniers retranchements, je vais aller jusqu'à m'en prendre aux autres joueurs et leur piquer par exemple une potion, ou des choses comme ça, une potion de guérison. Il y a plein de choses possibles. Toutes ces possibilités, en fait, c'est ça qu'on va appeler le gameplay. C'est le moment où ces parties dures, les contraintes, les règles, vont être confrontées, vont être activées, on peut voir ça comme on veut, par les choix du joueur. Et sur le cas très particulier du jeu de rôle, on se pose souvent la question de ce qu'est le roleplay, par exemple. On se demande très souvent si c'est quand un joueur parle comme parlerait son personnage, si c'est quand un joueur parlerait bien, si c'est quand un joueur ne fait pas des actions qui seraient contraires à la psychologie de son personnage, quand c'est il ne dirait pas des choses que son personnage ne dirait pas, etc. Et moi, je pense que le roleplay... En fait, tous ces trucs-là sont un peu vrais, mais que le roleplay, en fait, dans un jeu de rôle, c'est en fait tous les moments où le personnage est actif, et en fait c'est le gameplay du jeu de rôle, comprendre quand on est sur cette espèce de terrain de jeu imaginaire, par exemple quand vous êtes en train de faire une montée de niveau de personnage, vous n'êtes pas en train de faire du roleplay. Quand vous êtes en train de créer votre personnage, sauf qu'à particulier, vous n'êtes pas en train de faire du roleplay. Quand vous faites, parce qu'on dit quand vous jouez votre personnage, que vous taisiez, que vous parliez, peu importe, vous êtes en train de faire du roleplay. À tout moment, vous avez la possibilité d'interrompre, vous avez la possibilité d'intervenir. Bon, c'est peut-être une digression qui intéressera que les rôlistes, mais... Moi, je voulais revenir justement à cette idée de confrontation des règles. Dans le jeu vidéo, elle est très, très visuelle et du coup assez rigide, en fait. Parce que c'est le fait même de la technologie numérique de dire oui ou non. Et justement, est-ce que la confrontation des règles, est-ce qu'elle est plus flexible dans le jeu de rôle, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'humains là-dedans? et d'imagination, puisqu'on parle du roleplay. Alors, il y a... de mon point de vue, le jeu de rôle, c'est un type de jeu qui est entouré de plein de préjugés, d'une véritable doxa, en fait, sur ce qu'il est et sur ce qu'il n'est pas. Et notamment, la relation aux règles est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle, on a plein de règles. Et alors, quand je dis plein de règles, je ne parle pas de la complexité, je ne parle pas du nombre de pages. Je parle de l'univers, par exemple. Quand on dit qu'on joue dans l'univers de Tolkien, bah regardez la tronche du Cimarion et dites-moi que c'est pas un paquet de règles. Quand on joue dans l'univers de la Guerre des Étoiles, pareil. Alors, ça peut être très simple. Peut-être que juste dire on joue dans l'univers de la Guerre des Étoiles, tout le monde comprendra autour de la table. Mais toujours est-il que vous avez tous ces éléments-là à respecter. Pour ce qui est des règles, on va dire mécaniques, donc un jeu de rôle, lequel dé on utilise, qui parle quand, etc. On a l'habitude de penser que ces règles-là n'ont pas... Alors, on a déjà l'habitude de penser que ce sont les seules règles, et on a l'habitude de penser que ces règles-là n'ont pas d'importance. Dans les faits, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est pas très important si on les remplace par d'autres. Dans certains cas, et dans certains cas, ça l'est. Je vais prendre... je vais faire un parallèle un peu bizarre, mais... est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des panneaux avec un gros cercle rouge et un 30 à l'entrée de certains quartiers dans votre ville? Oui. C'est pourquoi? C'est pour que les gens ne roulent pas à plus de 30 km/h. Alors à mon avis, c'est pas vraiment pour ça. C'est pas vraiment pour ça parce que je pense qu'il n'y a rien de fondamental. Enfin, peut-être que si je le pensais, j'aurais plus de points sur mon permis, mais je pense qu'il n'y a rien de fondamentalement amoral à rouler à 32 ou à 33 km/h. Par contre, ce que ça veut dire, c'est les gars, changez votre comportement et arrêtez d'écraser nos gamins à la sortie des écoles, bordel. Roulez pas comme des cons. C'est pas plutôt les panneaux attention, sortie d'école ? Je sais pas, moi j'ai plus beaucoup de points comme je te dis. Effectivement. Le que s'appelle. Alors, pour le coup, j'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a expliqué effectivement que c'était plein d'autres choses, mais je pense que l'exemple est assez clair. Et le fait est que ces éléments-là, en fait, ça va être pareil pour plein de règles dans le jeu. Il y a plein de règles dans le jeu qui veulent juste dire « Les gars, jouez pas comme des cons. » Je prends un exemple. Pendant un certain temps, l'aspect interprétation du personnage, et donc ce qu'on appelle ou pas le roleplay, etc., était pas du tout intégré dans les points d'expérience, donc les récompenses que recevaient les joueurs. Ces points, au bout d'un certain temps, on a commencé à intégrer et à dire bah, « Vous allez recevoir tant de points, entre temps et tant de points, et vous allez en plus en recevoir entre temps et temps lié à l'interprétation du personnage. » Par contre, on va pas vous expliquer ce que c'est que l'interprétation du personnage. Démerdez-vous. Et on a d'un côté tout un jeu qui est organisé pour des récompenses qui sont presque techniques, mécaniques, etc. Et toute une série de jeux qui est liée à une espèce de qualité esthétique de votre jeu. Et globalement, je pense que ça, cette règle, elle pourrait se résumer en « Les gars, vous gagnez plus de points si vous jouez pas comme des cons. » C'est quelque chose qu'on retrouve. Je reviens à mes panneaux de vitesse. Oui, désolé, ça part un peu dans tous les sens, mais votre limitation à 30 km/h. Admettons qu'on passe généreusement à une à 70, comme on trouve. Je vais pas me risquer à dire où. Vous avez ce panneau, en fait, qui vous dit vous pouvez rouler à 70 km/h. Enfin, vous pouvez pas rouler au-dessus, en fait, de 70 km/h, je crois que c'est ça qui dit exactement. Exactement. Vous devez pas trop rouler en dessous non plus. Bon, enfin, grosso merdo, vous roulez à 70, quoi. Mm-hmm. Et vous pouvez l'avoir, en fait, par exemple, dans un au niveau d'un rond-point, qui est relativement embouteillé. Et ce panneau-là, en fait, vous servir absolument à rien, parce que la façon dont la route est faite vous empêche d'aller au-delà. Inversement, vous pouvez l'avoir sur une autoroute 4 voies et vous servir à rien parce que la route est faite de telle façon que vous n'avez aucune envie de le respecter. Et vous pouvez l'avoir aussi dans des rues où ça ne sert à rien parce que c'est à peu près la vitesse à laquelle vous y allez. Il y a aussi plein de cas où ça sert, hein, rassurez-vous. Mais tout ça pour dire, bah, c'est exactement la même chose quand on va faire des règles. On peut avoir des règles explicites qui vont dire faites ci. Et tout un, en fait, tout un système, toutes des contraintes, des choses, un espace en fait, de possibilités qui vous est offert par le reste du jeu, qui vous le confirme ou qui vous l'infirme. Et c'était. Alors maintenant, ça se fait beaucoup moins, mais ça se faisait normalement à une époque d'avoir des règles qui étaient très contraignantes, presque contre les joueurs, où tout le jeu vous permettait de faire quelque chose. Et il y avait une règle qui vous dit non, faites pas ça, c'est abusé. Et globalement, souvent, l'idée qu'il y avait derrière, c'est vous devez avoir presque souffert ou devez en avoir chié pour avoir accès à ces trucs-là, parce que ces trucs-là sont cool. Donc il y a. Voilà, enfin, il y a énormément de choses qui entourent les règles. Et effectivement, on a l'habitude de dire en jeu de rôle qu'on peut les modifier, qu'on peut faire ce qu'on veut. Pour revenir, parce que toutes ces histoires de panneaux servaient quand même au final à ça, il y a effectivement, si vous ne vous servez pas de votre panneau, parce que vous êtes sur une autoroute 4 voies, dire que vous pouvez rouler à 130, à 70... ou à 60, ça ne change pas grand-chose si vous roulez de toute façon à 130. Dans les endroits où c'est efficace, la règle va changer. Là, ça aura de l'importance. Le tout, c'est trouver, enfin, une partie du boulot de game designer, c'est trouver à quel endroit est la bonne règle. Sachant que, je ne vais jamais m'en sortir de ce panneau, sachant que votre boulot, ça peut être aussi tout simplement de dire, là, j'ai pas besoin de foutre quoi que ce soit comme signal, de toute façon, la façon dont est fait le jeu, ce serait redondant. Et à d'autres endroits, de dire, ben là, c'est intéressant d'avoir les deux, parce que dans certains cas, ça peut me permettre d'aller plus vite, dans certains cas, ça me permet d'aller moins vite, et je peux moduler selon ce qui est intéressant pour le joueur. Voilà, je crois que je me suis un petit peu perdu dans mes panneaux. Mais alors, après, je pense que vous avez on va de toute manière rester encore un tout petit peu sur cette question, parce que là, vous êtes étendu donc, sur la partie intéressante pour le game designer, de la règle et de comment induire des comportements chez le joueur. J'aimerais qu'on parle du côté du joueur. Se confronter à la règle, c'est aussi apprendre à optimiser sa maîtrise. Alors, on parlait effectivement du jeu de rôle où c'est peut-être un peu moins présent encore qu'eux, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, en jeu vidéo ou en jeu de société, parce qu'on apprend à être meilleur, parce qu'on apprend à avoir de meilleurs réflexes, une meilleure capacité à anticiper les coups aux échecs, ou en sport, bien entendu. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'apprendre, d'optimiser, et il m'intéressait d'avoir votre regard sur cet élément-là comme composante de la motivation qu'on peut avoir à jouer, le fait de se dire, cette fois-ci, je serai meilleur que la fois d'après. Enfin, je serai meilleur que la fois d'avant. Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire, à part que c'est souvent, soit effectivement essentiel, qu'on retrouve dans plein de jeux, et que, enfin, on est tout à fait dans les logiques d'investissement ou de hard fun dont on parlait tout à l'heure, un petit peu au croisement des deux. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour nous de nous donner un cadre d'expérimentation et d'apprentissage assez clair et simple, contrairement à globalement notre vie en règle générale qui est constituée de plein d'éléments complexes et dont on peut difficilement apprendre et surtout sur lesquels on ne peut pas répéter les problématiques. Là, on a des règles claires, identifiées, dont on peut tester les limites et dont on peut optimiser la compétence. Alors, ce qui est à peu près clair, c'est qu'une fois... Enfin, c'est que si on enlève cette notion d'objectif clair, etc., on va perdre cette capacité à chercher à devenir meilleur. J'ai encore reparlé du jeu de rôle, mais pour moi, c'est un des principaux problèmes auxquels a été confronté le jeu de rôle. C'est que, en gros, ça a été la volonté de se voir comme le genre parfait, si j'ose dire, et la logique qui tient à dire qu'il n'y a pas de gagnant et pas de perdant. Alors, elle se comprend tout à fait quand il s'agit de dire que c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire c'est pas le fait que vous gagnez qui va faire que je vais perdre. C'est pas du tout ça. Par contre, dans une partie de jeu de rôle, il va y avoir des éléments sur lesquels on va pouvoir gagner, il va y avoir des objectifs, on pourra remettre en jeu des stratégies. Et le fait de dire qu'il n'y a pas de gagnant ou qu'il n'y a pas de perdant, c'est à mon avis une énorme connerie. Comprenons bien, sauf dans l'autre sens dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et l'impact que tout ça va avoir, c'est que derrière... si vous voulez, sur un... Alors je reprends l'exemple du foot. quand vous êtes gamin, que vous jouez au foot, vous avez une marge de progression. Et cette marge de progression, elle va faire en grande partie que vous allez rester là. Enfin, il peut se passer plein de choses qui vous dégoûtent à côté, hein, mais ça peut être un des éléments qui va faire que vous allez rester là, et vous allez continuer à avancer. C'est la même chose aux échecs, c'est la même chose dans plein de domaines. Je pense que le jeu de rôle a souffert que cette marge de progression en fait, n'existe plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une progression verticale, on est obligé d'avoir une progression horizontale. C'est-à-dire qu'on va tenter de nouvelles expériences, on va tenter de nouveaux styles. C'est très enrichissant aussi, c'est très bien aussi. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faudrait jouer obligatoirement de façon compétitive, difficile et imposer une sélection qui n'est pas forcément intéressante, qui peut être intimidante. Par contre, à mon avis, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le choix. Moi, je suis très très nostalgique. Enfin, je repars sur le foot. À une époque, moi, j'aimais bien aller jouer avec mes amis le dimanche sur le stabilisé, enfin sur le terrain municipal, quoi. Et quand on jouait, effectivement, le but du jeu, ça restait. On retourne sur les usages, hein, mais le but du jeu, ça restait de marquer plus de buts que l'adversaire quand on faisait un match. Mais on arrivait à passer une demi-journée ensemble très sympathique et c'était agréable et on commençait souvent. Ce sont des choses qui ne s'opposent pas du tout. Je suis à peu près sûr que, j'en sais rien, Zlatan est peut-être quelqu'un de super agréable en privé, mais quand il joue, on lui demande, c'est pas ce qu'on lui demande. Sur le jeu de rôle, je pense que de la même façon, par exemple, à une époque, on avait des tournois dans les conventions qui étaient alors source de plein de problèmes. On avait des joueurs qui jouaient, qui se réveillaient quand les juges passaient. On avait des lots qui étaient filés aux copains, des choses comme ça. Mais de mon expérience, on avait aussi plein de parties qui étaient faites où les scénarios étaient testés à l'avance, où on jouait dans de bonnes conditions et où tout le monde essayait de se donner du mal. Et globalement, ça faisait de très très bonnes parties. Et très souvent, on arrivait à avoir des parties excellentes avec des gens qu'on ne connaissait pas, tout simplement parce que tout le monde faisait l'effort. Il est hors de question d'exiger que cet effort ou qu'il y ait, je sais pas, un certain élitisme qui soit fait sans, enfin, par obligation. Mais le fait de pouvoir retrouver ça, de pouvoir avoir des modèles quelque part pour progresser, des modèles pour s'améliorer, ça me semble être quelque chose qu'on pourrait retrouver dans le jeu de rôle. Alors, encore une fois, il y a tellement de... La façon dont le jeu de rôle parle de lui-même est tellement différente de ça qu'on imagine de suite les excès puants et désagréables. Mais je pense que, bah, par exemple, moi, quand j'étais adolescent, je jouais avec des gens qui jouaient de façon très agréable, et jouer à leur contact m'a permis de progresser. Je ne sais pas vous dire exactement en quoi, mais je sais que c'était plus agréable pour tout le monde d'une part, je sais que ça se passait mieux. Et quelque part, si on est capable de dire qu'il existe des bons et des mauvais romanciers, rassurez-vous, hein, en général on trouve surtout qu'il en existe des mauvais, mais bon, s'il y en a qui ne sont pas mauvais, ils doivent être bons du coup. A priori, il doit exister aussi des bons et des mauvais joueurs de jeux de rôle. Le but, c'est pas forcément de les classer, le but, c'est de voir, ok, comment est-ce que je peux m'en inspirer, qu'est-ce que cette personne fait de bien, et comment est-ce que j'améliore ça. Et surtout, comment je progresse, comment je garde du plaisir à jouer. Alors là, il y a plein de points qu'on pourrait creuser pendant plusieurs podcasts. C'est le problème, c'est qu'il faut en choisir qu'un. Et moi, je vais prendre. On a posé la question pourquoi on joue. On a posé la question de gagner, de d'échouer. Et du coup, moi, ça me fait penser à la question pourquoi on triche alors? Vous n'avez pas essayé de la fouiller à la personne il y a 15 jours, ça? Je crois, peut-être. Mais c'est parce que ça, en fait, ça pose les questions de l'appropriation des règles, et quand on dépasse la règle, et même qu'on fait un méta-jeu. Alors, Ok, je vais essayer de ne pas bloquer une heure sur le méta-jeu. La triche, en fait, ça rejoint cette logique d'usage dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on joue, il y a au moins deux couches de jeu, on va dire. Il y a l'usage, ce pourquoi on se sert du jeu, et il y a le jeu en lui-même. Il y en a plein d'autres, on peut rajouter la culture, on peut rajouter, enfin bon, peu importe. Restons sur ces éléments-là. Sur quelqu'un qui triche, globalement, l'usage pour lequel il joue, donc imposer sa supériorité, gagner de l'argent, faire la bise à Nagui, j'en sais rien, est devenu plus important que l'objectif, on va dire, et que le respect des règles intrinsèques du jeu. C'est, enfin, sans même parler d'esprit sportif, c'est encore autre chose. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans, enfin oui, dans les compétitions sportives, parce que je prends cet exemple-là parce qu'on le voit en permanence. Mais si vous avez joué à une époque à Counter-Strike, la question se posait totalement, est-ce que cette personne-là est vraiment meilleure que moi, ou est-ce qu'elle a triché ? Bon, elle a forcément triché. Le jeu, c'est aussi l'échec, on en a déjà parlé. J'aurais voulu revenir une dernière fois dessus, parce que j'ai l'impression que c'est un moteur aussi de l'envie de jouer. Il me semble que, notamment en jeu de société, c'est là où c'est très vrai, on passe beaucoup plus de temps à perdre qu'à gagner, que ce soit dans des jeux compétitifs, où par essence, la plupart du temps, il y a un gagnant pour 3-4 perdants, ou dans des jeux coopératifs. Moi, j'ai des souvenirs très précis de Ghost Stories, par exemple, d'Antoine Boza, où quand on gagne, on est très content parce que effectivement avant on a fait 10 parties où on a perdu, et quand on perd on a envie de rejouer à nouveau. Il y a cette idée de progresser, de mieux maîtriser les règles, de peut-être que j'aurai plus de chance la prochaine fois. Il y a toujours ce que le fait de jouer, c'est aussi un espoir qui tient au hasard, mais toujours de quelque part d'être dans le mieux, et puis que l'échec c'est réellement une constante. On parlait de Kirby où on peut jamais perdre. Est-ce que l'échec c'est quelque chose qui construit le joueur aussi en termes de volonté de jouer? Encore une fois, pour Kirby, moi de mon expérience, on peut perdre à Kirby, il suffit d'y jouer quoi. Mais dans ce cas-là, on perd du temps. Ouais, c'est ça. Non, plus sérieusement, encore une fois, je le connais pas assez. Sur le fait de perdre, c'est effectivement un ressort dans plein de jeux. Il y en a d'autres où la question se pose pas. Tout à l'heure, on parlait d'action ou vérité. Dans action ou vérité, on gagne pas ou on perd pas vraiment. On se fait juste, entre guillemets, en exagérant un peu, on se fait juste humilier, quoi. Alors là, forcément, je n'ai pas qui vient en tête, mais il y a aussi des jeux où globalement, on fait que gagner. Quand on joue à un MMO, je suis pas sûr. Par exemple, à World of Warcraft, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Je sais pas, moi j'ai des souvenirs, je crois que c'était d'EverQuest et d'Ultima Online où on perdait des niveaux par exemple. A priori, je crois que dans World of Warcraft, c'est plus du tout le cas. Je connais pas bien les MMORPG, hein, justement. J'ai joué à EverQuest un mois, j'ai vu le temps que ça m'a pris, j'ai vu le reste de ma vie disparaître. Et du coup, j'ai rendu mon abonnement et j'y ai plus jamais touché. J'ai l'impression que. Sans souffrir de manque. A priori, non. A priori, non, mais dans le public, il semblerait qu'il y ait des gens qui. Si. Mais oui, je pense vraiment que l'échec, c'est un élément important. Je sais pas dans quelle mesure c'est l'élément important. Je sais pas dans quelle mesure c'est dans tous les jeux ou pas. Je pense que la question à se poser, c'est plus souvent où se situe l'échec. Je crois que dans tous les jeux, il y a un objectif. Enfin, quasiment tous les jeux, il y a un objectif. S'il n'est pas dans le jeu dans lui-même, il est dans l'usage, et que derrière, se dire, ok, ben, cet objectif, il implique des stratégies, il implique des conditions de réussite et des conditions d'échec. Quelles sont-elles? Parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes. Si je prends l'exemple de The Walking Dead, par exemple, le jeu de Telltale, le but du jeu, c'est pas tellement de savoir si vous allez arriver à la fin. Le but du jeu, c'est pas tellement de savoir si vous allez faire le bon et le mauvais choix. Le but du jeu, c'est de se... Comme dans Journée. Alors, oui, Journée, c'est... Pour une autre raison. Pardon ? Ou Gone Home, en fait, où il suffit juste de trouver des petits éléments et... Pour le cas de The Walking Dead, en fait, Walking Dead, par exemple, pose pas mal la question, une question assez passionnante, qui est celle des choix réflexifs. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on voulait avoir des choix à faire, que des choix de réflexes, des choix... des QCM en fait, type Colossal Cave Adventure, ou des choix de mots, enfin plutôt, on voulait des choix moraux. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, oh, c'est super, on a des choix moraux, et puis par contre, du coup, il faut surtout pas que ces choix ne servent à rien. Il faut pas que ce soit des marchés de dupes en fait. Et maintenant, on s'aperçoit avec certains jeux, avec le Walking Dead, avec les Spec Ops, avec des choses comme ça. Alors encore une fois, je parle que de jeux vidéo, mais c'est pareil dans le jeu de rôle, c'est pareil dans notre jeu, qu'on a des choix qu'on appelle réflexifs, c'est-à-dire que c'est un peu genre le choix de Sophie en fait. Ce qui est important, c'est pas forcément que le choix ait des conséquences sur les embranchements de l'histoire. Ce qui est important, c'est que le choix ait une conséquence sur vous. Et quelque part, si vous choisissez de sacrifier un de vos, je pense au choix de Sophie, de sacrifier un de vos gamins pour en sauver un autre, le fait même de faire le choix même si ça va pas plus loin, parce qu'au final, ça n'a pas de conséquences, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, vous vous dites quand même, et c'est un impact sur vous, que vous avez fait ce choix. Dans les Walking Dead, ça n'a peut-être pas d'importance de savoir à qui vous donnez la bouffe, mais vous savez que vous avez privilégié votre partenaire plutôt que tel enfant qui était malade, que vous avez privilégié votre fille alors que telle personne en avait la sécurité du camp exigeait que ce soit votre ami le baroudeur qui en ait besoin. C'est une autre façon de jouer, mais cette façon de jouer, on peut l'avoir justement que parce que on parlait de culture tout à l'heure, que parce qu'on apprend en fait, la technologie du game design évolue, et que on arrive à avoir des... je vais revenir sur les sur Journée ou sur les Dark Souls. On peut comprendre Journée, par exemple, que si on a joué à du multijoueur classique, que ce soit du MMO ou ailleurs, le minimalisme dans la relation qu'on a avec le joueur qui arrive dans la partie, et dans la difficulté à la communiquer, c'est aussi le cas sur multiplayer de Dark Souls, ne fait du sens. En fait, on ne perçoit ces contraintes et on ne les apprécie qu'une fois qu'on s'aperçoit qu'elles en sont et qu'on comprend qu'on est privé de quelque chose. Si on n'a jamais fait de jeu multijoueur en ligne, ben on voit juste un individu bizarre et ça pourrait être quelque chose de programmé, ça pourrait être un autre joueur, on n'en sait rien, et puis c'est pas très grave, on n'en a pas besoin pour finir le jeu. Quand on y a joué, on peut presque comparer ça à l'alphabétisation en fait. Quand on apprend à lire la grammaire des jeux vidéo à force d'y jouer, quand on s'habitue, ça devient l'essentiel, ça devient le cœur de l'expérience. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je me suis encore perdu. Je peux peut-être vous parler de limite de vitesse si vous voulez. Non, mais c'est marrant parce que là, au bout de une heure de podcast, je me pose la question. C'est la question du jeu du bac à sable, qui a des règles très très floues, qui a priori n'a pas de gagnant, pas de perdant, et pourtant on y joue quand même. Globalement, on est dans la problématique du jeu de construction. Alors. Je vais commencer par mea culpa, je n'ai pas joué à Minecraft. Non, mais au Lego, à Capla... D'accord. Après, je sais pas bien ce que vous appelez le sandbox, enfin, il y a des choses que j'appelle sandbox, mais par exemple, dans Red Dead Redemption, ou dans GTA, j'ai du mal à imaginer qu'on gagne pas ou qu'on perde pas. La seule chose, c'est que ce qui est vrai dans GTA, ça m'est pas du tout arrivé dans Red Dead Redemption, qui est un jeu que j'adore, mais... Dans GTA, ça, par contre, ça m'est arrivé qu'au bout d'un moment, la quête principale, j'en ai plus grand chose à faire, et que le fait de me promener en écoutant la radio dans les villes, en allant très vite et en me crachant au bout d'un moment, me lasse, et qu'au résultat, ce soit des jeux que je finisse pas. Et du coup, il n'y avait pas de gagnant et de perdant parce qu'il y avait une lassitude, mais je sais pas du tout si c'est ça dont vous parlez. Peut-être parce que, pour le coup, on perd la notion de partie aussi. C'est tout à fait possible, oui, parce que, encore une fois, la façon dont on sert du jeu, c'est pas du tout l'objectif du jeu tel qu'il était prévu au départ. Encore la double couche. Exactement. Je trouve le cas de GTA pas forcément pertinent, puisque en fait, on peut mourir, on peut... Cette question-là, c'était vraiment... ma question était vraiment tournée dans le jeu de construction, et Manu a bien fait de me reprendre là-dessus, puisque, en fait, par exemple, un enfant qui joue dans un bac à sable... il n'y a pas vraiment de game designer à part peut-être l'urbaniste qui a fait le carré. Si ça vous intéresse, j'ai du mal à croire que ce soit un sujet qui vous intéresse, mais enfin, si ça vous intéresse, il y a des passages d'un bouquin qui s'appelle Play Matters par un prof de, alors je ne sais plus à quelle école il est à Copenhague, qui s'appelle Miguel Sikar, où il parle justement du design des terrains de jeu pour les gamins. Et apparemment, ce serait un truc danois qui aurait été importé en Angleterre. Enfin, moi, j'y connais rien du tout. Hein, comment ils s'en servent. Enfin, l'évolution de ces trucs-là. Cela dit, effectivement, j'ai du mal à croire que c'est un sujet qui passionne. Donc, revenons sur la question de base. Je pense qu'on s'en consacrera probablement un futur podcast aux jeux de construction en règle générale. Et pas sur l'évolution des bacs à sable. Peut-être que ça en fera partie ici. Donc ouais, sur le bac à sable tel que vous l'expliquiez, j'ai l'impression qu'on est typiquement dans une logique de jouer et pas de jeu en fait. C'est-à-dire qu'on joue tant que ça nous amuse, et puis après on laisse tomber. Et c'est exactement dans le cas de GTA, à mon avis, ce qui arrive au bout d'un moment, c'est que très vite, en fait, on a perdu l'espace de progression, on a perdu l'objectif, on a perdu le fait de respecter ses règles de base. On s'en sert d'une façon totalement détournée, et on s'en sert tant que ça nous amuse. Je pense que c'est un problème qu'ont pas mal de... Je reviens sur le jeu de rôle, parce que vous m'avez un peu invité pour ça aussi. Hein. Le jeu de rôle, dans le jeu de rôle, dans les choses qu'on a l'habitude de dire sur le jeu de rôle, c'est qu'on aime que les jeux soient simples. Et très souvent, en fait, et très souvent, ça veut dire couper dans les règles de jeu, dans la mécanique. Et très souvent, en faisant ça, en fait, on tranche dans la richesse du jeu. Et on confond un jeu simple et un jeu pauvre. Et de la même façon, on confond un jeu complexe ou compliqué à un jeu riche. Et on se retrouve en fait à enlever des couches d'intérêt au jeu et à transformer le jeu en jouet. C'est-à-dire qu'on va faire... Alors c'est à mon avis, ça a été énormément le cas dans certains story games assez simplistes en fait. Où on se retrouvait à faire quelques parties et puis on n'avait plus envie de jouer. Pourquoi ? Parce que le fait de décrire quelque chose, c'était pas réellement un choix, c'était une volonté qu'on exerçait. Mais c'est un peu comme, si vous voulez, un jeu vidéo où on peut créer l'apparence de son personnage. Effectivement, on peut choisir que son personnage ait les cheveux bleus ou les cheveux roses, mais à moins que vous manifestiez dans le Manif pour tous, c'est pas très important, quoi. Il n'y a pas de... Ça va pas changer la façon dont vous jouez, ça va pas apporter de la richesse. Et effectivement, on se retrouvait un petit peu ce cas d'avoir des jeux, en fait, qu'on avait voulu tellement simplistes qu'on les avait... Vous avez un peu étouffé. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient pas bons, ça veut juste dire qu'ils sont pas bons longtemps. Alors je crois que vous avez presque entamé une réflexion sur ce qu'on appelle en game design la notion d'élégance, un sujet passionnant mais auquel je crois là aussi qu'on consacrera un autre podcast. C'est bien, chaque fois qu'on fait un podcast, on a deux nouveaux sujets qui ressortent. C'est un peu l'hydre de l'herne cette histoire. Pas de moi l'élégance. Oui, mais on pourra quand même en reparler et détailler un peu en quoi ça consiste, parce que je pense que ça pourra intéresser un certain nombre de nos auditeurs. En tout cas, on va vous remercier, Jérôme Larrey. On est désormais à 1h20 d'enregistrement passé, ce qui fait largement suffisamment pour, comme le disait une personne dans le public qu'on va citer d'ici quelques instants, un aller-retour en RER. On parlera là pour les Parisiens, ce qui n'est pas notre cas, mais bon, on les respecte quand même. Et puis, on va vous indiquer aussi que si vous avez entendu un petit peu de bruit dans le fond, c'est tout simplement parce qu'on enregistre dans le cadre du festival Les Utopiales, dans lequel on enregistrera aussi le prochain numéro de notre podcast très prochainement. En attendant, on vous remercie beaucoup, Jérôme, pour les réflexions, les éclaircissements et puis les panneaux de circulation. Vous avez bien compris pour les panneaux de circulation. Parfaitement. Je ne roulerai pas à plus de 30, sinon je vais perdre des points de permis. C'était ça l'idée. Non, il faut arrêter de rouler comme un connard. et puis, on remercie aussi une personne cachée dans le public, Yannick Polchetti, pour ne pas le citer, qui s'occupe du podcast Café Rôliste et qui participe sur le podcast Radio Rôliste, dont vous aurez pu entendre parler sur notre Tumblr. En attendant, on vous retrouve dans 15 jours. C'est bien ça, hein, 15 jours, Adrien. C'est bien ça. Avec la question, après on va la reformuler plus exactement, mais ça va être en quoi le jeu travaille la citoyenneté. Voilà, avec un invité à nouveau qui sera, je n'en doute pas, passionnant. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, on ne sait pas à quelle heure vous nous écoutez, c'est la magie du podcast, mais en tout cas, passez un bon moment et surtout, n'hésitez pas à jouer.